Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Damage ont le plaisir de vous présenter Tajrid al-Ittiba' wa khatar tark al-haq li ara' al-khalq wa ma yusamma bil-ishrak fi al-risala li akhina al-shaykh Abi Hatim Sa'id bin Da'as al-Yafi'i rahimahullah ta'ala wa askanahu al-jannah. Un cours donné par le frère Mounir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Dar al-Hadith al-Salafiyyah bi Damaj au Yémen. Cours numéro 1. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya wa la matbu ala l'itlaq ahadun ba'dah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالوحدانية والتشريع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى ولا يصدر منه في دين الله تشريع الخطأ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين جردوا أنفسهم لاتباعه والتأسي به أما بعد فنقرأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى هذه الرسالة النافعة تجريد الاتباع وخطر ترك الحق لآراء الخلق وما يسمى بالإشراك في الرسالة لأخينا الشيخ أبي حاتم سعيد بن دعاس اليافعي رحمه الله تعالى وأسكنه الجنة بتقديم شيخنا يحيى بن علي الحجوري سدده الله هذه الرسالة مهمة جدا تجريد الاتباع أي celui qu'on doit suivre c'est le prophète alayhi salatu wassalam wa khatar tark al-haq li ara' al-khalq ay si une personne qui qu'il soit ikhalif hadha al-haq ay ma ja'a bihi an-nabi alayhi salatu wassalam fala yajuz akhdhu qawlihi ka'inan man kan et c'est khatir jiddan de prendre son qawl fi hadha al-hal لأن هذا كما قال وما يسمى بالإشراك في الرسالة لأن celui qui doit être suivi c'est le prophète عليه الصلاة والسلام فهو n'a pas le droit d'associer une personne quiconque dans ce suivi قال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب فلو suivi il doit être au prophète alayhi salatu salam. Celui qui suit le prophète alayhi salam, il est à l'haq. Et celui qui contredit le nabi alayhi salatu salam dans une parole, dans un acte ou dans une croyance, il est à la batil ka'inan man kan. Parce que risala, c'est via hadha al-mawdu' al-muhim. Cette risala, elle traite le sujet de l'ittiba'. Elle est un haq lil nabi alayhi salatu salam. Wahda. العبادة حق لله عز وجل وحده وعبد الله ولا تشركوا به شيئا سمعنا لا إله إلا الله فالاتباع سل النبي عليه الصلاة والسلام وحده فنبدأ في القراءة ونعلق بما يسر الله سبحانه وتعالى ونسأله عز وجل التسديد والتوفيق الشيخ سعيد بن دعاس رحمة الله عليه قال فإن مما ابتليت به الأمة الإسلامية وأساء إلى جمالها الرباني الدعوة إلى بدعة التقليد والتزام قول سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم التزاما مطلقا إلى لا الخطر إلى لا الدنجي الآن أنا بعض الناس volontairement ou involontairement, il appelle à suivre autre que le prophète, mutlaqan. وهذا لا يجوز لأن هذه منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نسيت الفرسي تشك البروفيس صلى الله عليه وسلم نودل لبخو tout ce qui nous interdit, on s'écarte. Ça, c'est Manzilat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, ça dépendra de son suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala wa tark ma wafaq al-adilla min al-aqwali wal-ahkam wal-akhd bil-ara al-mujarrada an al-dalil wal-burhan. Wa hadha al-marad, sallallahu al-afiyah, annahu tafasha jiddan. Ashab al-madhahib, al-arba'ah, المتعصبة أي السوكي سويف سمذاهب بالتعصب فالحنفي مثلا إذا لسبال قول أبو حنيفة ولو إذا على خطأ ولو تلوي ستة دليل كلير عن النبي عليه الصلاة والسلام كخالف سمذهب سمتعصب فهكذا المتعصب من المالكية ومن الحنفية ومن الحنابلة والمشكلة الآن أن هذا المرض تفشى حتى عند بعض أهل السنة Il ne peut pas comprendre, il ne peut pas concevoir un al-haq, il est inda fulan, autre que son shir, ou autre qu'une personne qui suit. Et il ne peut pas concevoir, et il ne peut pas accepter un fulan, il a khalaf al-dalil, et il se trompe. هذا الآن من التعصب وهذا الآن رفع هذا الشيخ أو هذا الشخص في منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا pas le droit de dire مثلا s'tromper في كذا من أمور دين الله عز وجل pas le droit أو جخالف النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أما في غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا si sa parole elle est en concordance avec les textes on l'accepte si sa parole elle contredit les textes فكما قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر إلى مدخل tombe du prophète عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله حتى تجد من تلوث بهذا لا يكاد أن ينقاد لحكم الله وشرعه وقضائه وإن علمه وأدركه إدراكا جازما هذا ثمرة C'est une thamara khabitha min hadha al-fikr. Léanna, celui qui suit aveuglément une personne, deux personnes ou plusieurs et contredit le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, un jour il pourra, ou tu pourras lui montrer la preuve min al-kitab ou min al-sunnah et il pourra la rejeter. Wa hadha al-an ila ala khatar. وظهر له بدلائله وبراهينه الواضحة حتى ينطق به من التزم قوله وتقلد رأيه من مشايخه أو غيرهم إلى بخوف دو ستقليد دو ستتعصب أن هذا الشخص كي سوي ستو بيرسون أفوغليمون فمثلا Cette personne qui suit aveuglément, il peut faire une fatwa. Matalan, cette chose yajouz. Ou Fulan, c'est un égaré, matalan. Tumma, s'il change de kalam, lui, kadalik, il change. Ça montre, annahu, il le suit dans tout ce qu'il dit. Voilà aussi, il n'y a pas de dalil. Bon, hada la yajouz. Hada la yajouz. Léanna al-qawl. Al-qawl. Al-muslim, il doit avoir un qawl. Annahu yastadil qabla an yatakallam. هذا مهم أن لا بيرسون سي اي بار دون اون شوز ساسوا حكم شرعي في الفقه او حكم على الناس من عقيده لا بد افون دو بارلي الى ان دليل اما يتكلم ثم يسوي افغريمون ثم يشيرش لو دليل سو دليل اي بو كونتردير لا فوا كي لا سويفي اي سا بورا لو بوسا روجيتي لو دليل وهذا الى على خطر لهذا المسلم وخاصة طالب العلم يستدل avant de prendre un قول avant de suivre quiconque ton شيخ ou autre الدليل كما قال عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقال عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي celui qui prétend une chose un قول un فعل une عقيدة لابد من بينة Celui qui prétend Foulan s'en égaré ou Foulan s'en pas égaré, la bout d'une bayina. Si un khilaf. Qala hatta tajida. Qala وتقلد رأيه من مشايخه أو غيرهم فيرد الحق ودليله الواضح ويأباه أو لا يرفع له رأسا. نعم إما il le rejette, وهذا سيغراب, وإما il lui donne aucune importance. لا يبحث, il ne cherche pas de dalil. أينه يا خلاف, il n'essaie pas de faire l'effort. C'est qui a raison? Et il met les passions de côté. Il met les passions de côté. C'est pas la majorité qui a forcément raison. C'est pas le plus vieux qui a forcément raison. C'est pas celui qui parle ou qui crie ou qui hausse le ton qui a forcément raison. Abatan. C'est pas celui qui a le plus de ilm qui a forcément raison. Là, khasatan fil fitan. On doit revenir à les causes, la source. Et on tranche avec al-haq, avec al-dalil. ولا يجعل له محلا واعتبارا لأن شيخه أو العالم الفلاني لم يقل به. هذا هو التعصب. أنه il a une approche dans une مسألة quelconque, il a une approche. هذا, ce genre de personne, il n'a pas lu, il n'a pas fait des recherches, il ne sait pas ce qui se passe, لكن veut. Maintenant, il y a une fitna, il y a un khilaf, une divergence entre l'ulama. Vu que le savant qui pense, ou qui l'aime, ou qui veut suivre, il pense qu'il a forcément le haq, sans étudier, il dit Cheikh Fulan, il a raison. Hada la yajouz. Hada la yajouz. Il y en a pour dire que Cheikh Fulan, il a raison, tu t'es permis de dire il a raison. Donc l'autre, il s'est trompé. Tu es obligé d'emmener des burhan, des barahin, des adillah. Amma, il y a une fitna, le haq il est toujours avec Fulan, ça, la yajouz. On a dit, c'est manzilat al-nubuwa. Wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi umur dinillah, il ne peut pas se tromper, l'annahu il est appuyé par le wahy. Amma, Cheikh Fulan, voilà où il a une grande place dans nos cœurs, c'est un savant de la sunnah. Voilà où il a beaucoup d'ilm, il a écrit beaucoup de livres, il a beaucoup de lettres. Il n'est pas appuyé par le wahi. Il peut se tromper. Et cette erreur que ce savant il peut faire, en fait, c'est un ibtila min Allah. Azza wa jalla. Comme a dit le muallimi, rahimahullah, bima'na kalamih, anna Allah subhanahu wa ta'ala, qad yuqaddir ala ba'd al-afadil al-khata. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut décréter anna ce savant de la sunnah, qui a une place élevée dans le cœur des musulmans, Allah il peut éprouver ces musulmans. Ce savant il glisse, il se trompe. Limada al-mu'allimi rahimahullah qal, Allah subhanahu wa ta'ala il éprouve ses serviteurs. Est-ce qu'ils vont suivre le haq comme il prétend, ou ils sont aveuglés et ils suivent aveuglément ce shirk? هذا بس هي نبخد في الحقيقة هي نبخد. قال رحمه الله أو العالم الفلاني لم يقل به ولم تنطق به شفتاه أو لم يقضي عليه بالرضا والموافقة. نعم وهذا سيأتي معنا. Pourquoi شيخ فلان لا بدي. Pourquoi si c'est un haq, Cheikh Fulan il ne le suit pas? Min hadal kalam. Ça c'est pas l'azim hala. C'est pas l'azim que Fulan il suit le haq, nous on le suit. Non. Il peut être, comme on l'a dit, éprouvé. Ah oui, il n'a pas compris. Il n'est pas maçon. Et il se trompe, on n'est pas obligé de se tromper avec lui. Abadan. Abadan. On entend min hadal kalam. Et vous avez remarqué que Ba'd al-Nas, il n'arrive pas à te montrer que t'as tort. Il ne te dit pas, là, t'as tort. Léan Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, et il cite un verset. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans le Sunnah, il cite un hadith. Et il cite des règles, des aqwal salaf. Là, il ne peut pas te contredire. Lakin, pour te bloquer, il pense en disant, mais Cheikh Fulan, il n'a pas dit. La réponse, elle est simple. Cheikh Fulan, il s'est trompé. Ah, Cheikh Fulan, il n'a pas su. Ah, Cheikh Fulan, il n'a pas le temps. Ah, Cheikh Fulan, on lui trouve des excuses, hein, ça vend de la Sunnah. Amma, on délaisse le haq. Pour quiconque, la yajouz. Abadan. Qala, kama la takad an tajid lahu himmatan fi idrak al-haq wa al-sawab in ahkam al-shari'a wa tahqiqiha wa dirayatiha bil adilla wal qawa'id wal usul al-shari'a. Na'am. Al-musiba, anna ce manhaj al-an. Cette méthodologie que ce genre de personnes ils ont pris, ça a fait de. Voilà, le haq pour eux, il ne peut pas le trouver seul. Ou le haq pour lui, il ne peut pas être autre que vers Cheikh Foulain. Ça a donné كذلك ce fruit amer. أنه تجده له il n'a pas de himma في إدراك الحق. Ce n'est pas des efforts. الدعاء, des recherches. يقرأ, يسمع. Là, il se contente de son qawl. Wallahi, voilà où tu viens avec eux. Avec une brochure mitla hadi d'une cinquantaine de pages avec des adillah, des témoignages, il prend même pas la peine de regarder. هذا الان il y a un khalal. Il y a un khalal dans son comportement. Lana sijib al haqq fi l'ikuz. Lakin pourquoi il veut pas les causes? Lana pour lui le haqq il est forcément vers Foulan. Fa lui il suit Foulan. Il lui dit Foulan mubtadi', il dit mubtadi'. Il sait pas pourquoi. Il dit Foulan il est à la khair, il est à la khair. Walaw il contredit al haqq wal waqi' wal 'urf wal shara'. ما يبالي قال وقد أفنى من عمره زمانا طويلا في طلب العلم هذه المشكلة فالحقيقة يا جماعة أن سموقف كونسيت الآن هذا المتعصب فالحقيقة حال كثير من العوام لأن العامي العامي c'est les gens de la masse populaire, c'est pas un talib ilm. C'est la plupart des musulmans, al-awam. Le haqiqa, il n'a pas les outils. Il y a un problème, il n'a pas la clé. Il ne sait pas comment faire. Un ami, maintenant, tu le poses au milieu d'une fitna. Entre ulama, foulan, sa mubtadi', foulan. Mais il veut. Et pourquoi pas te dire, Cheikh Foulan, il a raison, Cheikh Foulan, attends, il ne sait pas, mais ce qui. Le haqiqa, c'est hal, al-awam. Amma al-musiba al-an, kama yadkur al-Cheikh, anna ba'd al-nas, il a. Un zaman tawil fi talab al-ilm. Il a les compétences de chercher. Il a les clés de certains problèmes. Il peut demander à ahl al-ilm. Il peut trancher. Lakin, il se contente de rester avec la majorité. Ou avec Cheikh Foulan. Pour lui, c'est une sécurité. Je suis avec Cheikh Foulan, au moins je ne serai pas critiqué. Abadan. Al-Mawqif, il est a'zam min hada. Al-Mawqif, tu seras demandé yawm al-qiyama, akhi al-karim. Tu seras demandé, ولا تغتر بالكثرة. بعض أنبياء الله بعض أنبياء الله عز وجل ils viendront يوم القيامة et ils ont deux, trois suiveurs. وأحد الأنبياء il vient وليس معه أحد كما في الحديث. العبرة c'est pas tu te mets en sécurité, tu veux que personne te critique. أبدا. Quand il y a une fitna, tu es de ce côté, tu seras critiqué par l'autre. Si tu es dans l'autre côté, tu seras critiqué par l'autre. أبد. لكن الصبر. Et la personne, il montre le haqq. Et la personne, il veut du bien à ses frères musulmans. Si tu connais le haqq, montre. Amma hakada la sécurité. Et je reste avec la majorité, avec Cheikh Foulan. Et personne ne me critique. Abadan. Qala wa rubbama kana mimman qad hassala min al-ulum ma yakfihi fil wusul ila hukm Allah wa rasulihi fi masail al-shar'. In badala taqatahu wa juhdahu fil bahth anhu. ووفقه الله لرضاه وهو في أقل حال قادر على تمييز الحق من الباطل وترجيح الصواب على الخطأ إذ وفق على كلام كانوا إذ وفق على كلام المختلفين كان وفق أو وفق قال إذ وفق على كلام المختلفين ها ها إذ وقف أحسن قال إذ وقف على كلام المختلفين أي يعني خلاف يعني خلاف donc il y a deux positions فهذا الله سبحانه وتعالى il وفق il étudie les deux positions et بإذن الله avec son علم il arrive à trancher sans ils sont plus sans mais Cheikh Foulan il a dit là il étudie et il est تجرد للحق son but إذ الحق فهذا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يوفق قال واستعان بمن يثق بعلمه وتحريه وإنصافه من أهل العلم وحملته هذا الرجوع إلى أهل العلم مهم جدا لكن ça veut pas dire que لأن بعض الناس ils ont une compréhension elle est pas صحيحة ça veut pas dire quand on dit on revient à أهل العلم on revient un فقط et les autres ils ont forcément tort. Ou on revient à la majorité et celui qui est seul ou ils sont deux ou ils sont trois ils ont forcément tort. Là, ar-rujuh ila ahli al-ilm, c'est on cède de leur compréhension les annahum ils ont plus de ilm que nous et on cherche le haqq. Si on s'aperçoit que ce savant il s'est trompé, il s'est trompé, là il y a toujours on dit là, on suit l'ulama et on s'entête. Là il y a toujours ça. Le haq qu'ils ont, pas mujarrad de fulan et fulan. قال فيرضى لنفسه بالتبعية والتقليد الأعمى وقد أعطاه الله من الفهم ما يقدر به على التمييز. هذه النعمة. C'est une ni'ma, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné, elle ferme la compréhension. Et cette compréhension lui permet de distinguer entre le vrai du faux. Fala yajouz, il gaspille cette ni'ma et il reste toujours muqallid. Wallahi, anna ba'd al-nas, fi hadhihi al-fitna qu'on vit l'an, ils savent le haq. Lakin, Allah il l'a pas wafak, il y a des causes. Allah a'lam biha. Et il ne peut pas dire, fulan il a raison et fulan il a tort. Là. Il sait au fond de lui que c'est haq. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala, yahdi man yasha. On n'a pas le droit de délaisser cette ni'ma. Délaisser cette ni'ma. Allah an'ama alayk bil fahm. T'as compris, t'as vécu. Fala tatruk al khayr, mujarrad taqli. Abadan. Pense à le mouqif yawm al qiyamah, tu vas dire quoi, عند Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas dire quoi? Tu savais le haq et tu l'as délaissé. La yajouz. يقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. رجع التواصي بالحق. سبب فصل. فلهذا قال عز وجل وتواصوا بالصبر. لأن ستواصي بالحق أي ستتخد في الحق تمطل الحق تخالف celui qui s'est trompé qui qu'il soit c'est pas simple. لكن الله سبحانه وتعالى nous a montré à la fin de la sourate وتواصوا بالصبر. الصبر. Personne ne te fera aucun mal. Mais idnillah, azzawajal, si t'es à l'al-haq, ce qui fait du mal, c'est le ta'assub. Ce qui fait du mal, c'est le hawa, c'est les passions. Ce qui fait du mal, c'est tu connais le haq et tu le délaisses. Voilà. Amma prendre le haq, mais idnillah, aucun mal. Inch'Allah ta'ala, tasbir. Tasbir. Des insultes, des accusations, des mensonges, tasbir. Tasbir. Qala azzawajal, wa l'aqibatu lil muttaqin. فيرضى لنفسه بالتبعية والتقليد الأعمى وقد أعطاه الله من الفهم ما يقدر به على التمييز وإدراك الحق ببصيرة وعلم وتجريد واتباع. والآن une question elle se pose. Ce طالب علم الآن que le sheikh nous explique son cas. C'est une catégorie de personnes. Allah il l'a وفق يطلب العلم. Il a les outils pour distinguer certaines choses. Lakin il s'autorise à suivre aveuglément. La question qui se pose, Anne, ma fa'idat al-ilm ? Elle est où le fa'idat al-ilm ? Elle est où la différence entre ce genre de personne et l'awam ? Léana, ce qui élève la personne, c'est l'ilm. Kama qala azza wa jal, yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum, walladhina utu al-ilma darajat. Là, ce qui élève la personne, c'est pas tu suis foulain ou foulain, c'est ton iman et ton ilm. Le shirk que tu suis aveuglément, il était comme toi. Il est né, il va au WC, il mange, il dort comme toi. La différence, c'est qu'il a fait des efforts. Allah, il l'a wafak. Fa'anta, ya akhil karim, fait des efforts. Et bien, idnillah, ata'u Allah subhanahu wa ta'ala, il est wa'asya. Wa ma kana ata'u rabbika mahzoura. Hada. Fata'adda ba'd al-nas, aliyou fa'idat l'ilm qu'ils ont appris. Ou, on pose une deuxième question. Si on applique tous, comme ces gens-là, le suivi aveugle, on ne t'a plus l'ilm. Ça sert à quoi? On suit tous les machaïkhs aveuglément et voilà. Là, talab al-ilm, c'est pour ça. Les gens, yatlub al-ilm, c'est pour chercher le haq. Que ce soit dans l'aqidah, que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans les fitan, que ce soit dans le jarh ou le ta'dil, que ce soit dans toutes les masaïles. Natlub al-ilm lihada. Lihada. Et on cède de la compréhension de l'ulama. Et on aime l'ulama. Lakin, ça implique pas qu'on les suit aveuglément. Wallah, voilà où ton shir. Ton shir, là, t'as donné. Nous, en tant que talabat al-ilm, on a le même cheikh ou le même mashaykh, ils vont toujours avoir raison. Abadan, demain ils se trompent. Enfin, ça sera une épreuve. Là, on délaisse l'erreur. C'est une petite, c'est une grande erreur. Il y a beaucoup de gens qui l'ont comprise, ils n'ont pas comprise. Là, on délaisse l'erreur. Et c'est pour ça. Si on suit aveuglément, on délaisse tous ces kutub, tous ces dorons, on revient comme des awam. Hakada hal al-awam. حتى يصير كمن بيده مصباح فيطفئه ويسير في الظلام لا يدري على أي شيء يقع. وهذا مثال طيب. الشيخ سعيد رحمه الله يدون لكزام دو هؤلاء سكم une personne que tu mets dans l'obscurité في الظلام. بعض العوام si on prend l'exemple des عوام il n'a pas de lumière, la lumière c'est العلم. C'est pour ça que les awam, dès qu'ils sont dans l'obscurité, dans une fitna, ils se font beaucoup de mal, masakir. Ils suivent aveuglément, ils peuvent suivre Ahl al-Haqq, Allah il la wafaq, ils peuvent suivre Ahl al-Batil, ils s'égarent, Allah il a une hikmah. Lakin, talibul ilm, dans cette obscurité, il a une lumière. Il a étudié, il connaît le Coran, il connaît des hadiths, mais la sunnah. Enfin, la yadjouz, il laisse cette lumière éteinte. Et il suit là, t'as une lumière, allume-la. Et éclaire-toi. Et regarde tariq, et bien, idnallah, tu seras à la khair. Amma ba'dannas yarda li nafsihi bi hada. Tata'ajjab. Il a les compétences, il a les moyens, lakin la, il n'ose pas. Le fait d'oser hada sur le haq, c'est tawfiq min Allah. Ça nous montre, ya jama'a, on revient beaucoup à Allah Azza wa Jalla. Ne crois pas que tu vas t'lab l'ilm un an, deux ans, dix ans, tu seras forcément à la haq. Wallahi, ba'dannas, ils ont t'lab l'ilm plus que nous. Plus d'années que nous, plus anciens que nous. Lakin le tawfiq c'est min Allah. Tawfiq c'est min Allah. Léana l'ilm c'est une chose. Et l'amal c'en est une autre. Ba'd al-nas ils ont du ilm. Ba'd ahl al-bida' ils ont du ilm, tu peux pas t'imaginer. Khassatan à l'époque des salaf. Il y avait des mubtadi'a. Min asha'ira, min mu'tazila, ils avaient du ilm. Je peux pas le nier hada. Lakin le tawfiq c'est min Allah. La personne ilm ou amal. علم وعمل ففي هذا الحال الان dans ce sujet qu'on a نتعلم et on suit le haq. اما طالب العلم يتعلم il sait que son cheikh il a faux, il sait qu'il a tort, لكن il peut pas le contredire, il le suit. Pourquoi tu طلب العلم؟ قال وقد عانى العلامة ابن الامير الصنعاني وقد عانى اي il va citer l'exemple de l'imam الصنعاني صاحب تطهير الاعتقاد صاحب سبل السلام الإمام المشهور رحمه الله أنه lui-même il a été confronté à ce genre de problème et il va nous citer son كلام. قال من أهل هذه المنهجيات الفاسدة في زمانه ممن هم أرفع منزلة في العلم من أصحابها في زماننا. نعم il n'y a pas de comparaison à faire. أنا بعض الناس الآن يبخطط العلم سيد الجهال. هؤلاء الآن à l'époque de الصنعاني ils avaient plus de علم que certaines personnes aujourd'hui. Malgré ça, ils ont eu affaire à cette maladie, à taqlid. قال الإمام الصنعاني رحمه الله في الرسائل المنيرية قال وكم قد رأينا وسمعنا من زكي عارف إمام. تأمل سأوصف الإمام الصنعاني الآن يكاليفي ces personnes زكي عارف أي لجو علم إمام سان إمام et même fait dire c'est des personnes ils ont un gros rang dans l'ilm. قال الامام الصنعاني يضيق عطن بحثه عند ورود حادثه من الاحكام. ce genre de personnes الان qui a du ilm الان ils se retrouvent une position face à une mas'ala que ça soit fiqh, aqida, une fitna. قال فيتبع اقوال الرجال تقليدا. لماذا لانه il a pas تجرد للحق. Là, il suit taqlid, il suit les gens. قَالَ وَيَعُودْ عِنْدَهَا مُقَلِّدًا مُبَلَّدًا. Alors que c'est un imam, il a du ilm, il a du khayr. Lakin avec cette position, ça devient muqallid. Muqallid. Al-balada ma'ruf. Muballadan, ça veut dire al-balada ma'ruf. Une personne qui n'a pas d'ilm. قَالَ كَأَنَّهُ مَعْرَفَ مِنْ بِحَارِ الْفُنُونَ وَلَعْرَفَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الشُّؤُونَ. Et après avoir qallad son shiikh ou son madhab, enfin, ça devient une personne, il n'a plus يعني, l'impact qu'il avait. Il n'a plus la manzila, la place qu'il avait. Abadan, ça devient une personne, c'est comme un ami. Il y en a, il suit aveuglément. Al-An, qui c'est qui lui a fait du mal? Il se fait du mal lui-même. Limada, il y en a, cette personne, il a la capacité. Il a la capacité de suivre le haq. Lakin, at-tawfiq, c'est min Allah. Hada fi zaman, al-allam al-san'ani. Wa hakada qablahu wa ba'dah. والرزية العظمى هذا كلام شيخ سعيد والرزية العظمى أن هذا صنف رضي لنفسه بهذه المنزلة واطمأنت لها نفسه وقرت بها عينه ولم يكفي أن يكون هو ضحيتها حتى صار يقررها ويدعو إليها. فهذه سلسلة المصيبة العظمى الآن أن هؤلاء ce genre de personnes لو ils feraient du mal qu'à lui فالشر إلى أهون on le conseille. المصيبة الآن أنه بعض الناس ils appellent à هذا et si toi en tant que talib ilm en tant que personne qui aime le haq tu veux suivre le haq enfin, ce genre de personnes ils te critiqueront ils n'aiment pas l'ulama et c'est un haddadi c'est un kada c'est un kada. ويتسقط على من اختار طريق التحري وتجريد الاتباع وعلت همته إلى أخذ أحكام الشرع من أصوله وأدلته وتلقيها من أدلتها وتلقيها من أدلتها وليس له مستند سوى النظر إلى من عدا إلى من عدا من استقر في نفسه تعظيمه والتزام رأيه من أهل العلم نظر احتقار وازدراء. نعم هذا الكلام الآن هؤلاء في كريتيك أهل الحق ce genre de personnes ils ont pas d'adilla في الحقيقة la position à voir celui qui veut le haq مثلا si on s'est trompé montre-nous ne nous dis pas Fulan il a dit ou Fulan l'a pas dit là montre-nous بأدلة الشريعة et appuie ton kalam avec kalam des ulama طيب تفضل. لكن بعض الناس ils ont pas tout ça. Là, c'est pression. Tu te trompes et t'es mauvais si tu ne me suis pas. Là, il y a tout ça. Nous aussi, on peut dire ce kalam. Nous aussi, on peut dire ce kalam. T'es mauvais. Là, il y a tout ça. La masala, c'est la masala de l'ilm. مسألة مسألة كما قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Si on a divergence dans quel sujet, quel que soit le sujet, on peut pas dire moi j'ai raison toi t'as tort. Forcément, toi t'as tort moi j'ai raison forcément là. Là, on doit revenir au adil. Celui le haq il est ma'af, c'est celui le muhiq. Maintenant le musiba l'an, c'est là. Stop proche. بعض الناس ils l'ont enlevé. Il suit aveuglément et tu dois suivre aveuglément. Abadan. Ça, أهل الحق لا يرضون بهذا. Abadan. Des années on appelle au haq. Aïe, أهل السنة. Des années on entend أهل السنة dans toute la planète. Faut suivre le haq, le taqlid c'est interdit. Le haq il passe avant tout. مثل هذا الكلام. فلماذا الآن on l'applique pas? لماذا pendant des années on a critiqué l'awam? وبعد أهل السنة ils ont fait des fitans dans les mosquées مع بعض العوام. Pourquoi? لأن سعامي il suit l'imam Malik, il s'entête. سعامي il suit Abu Hanifa. فلماذا on fait la même chose là? Qui c'est qui t'a autorisé? T'es un bachar comme le عامي, tu dois suivre le Coran et la Sunna comme les autres. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Qui c'est qui t'autorise أنت? Qui c'est qui t'autorise? Pendant des années on appelle à suivre le Coran et la Sunna et l'un on voit dans certaines affaires, non, tais-toi. Tais-toi, laisse-le min hadha al-kalam. Là, on revient tous au Coran et au Sunna et on tranche. C'est comme ça que les fitnes elles s'éteignent. Amma mujarrad, tais-toi. Tu cites pas mes erreurs, je cite pas les tiennes. Abadan. Qala wa istib'ad fadl Allah 'ala man 'adah. Ça c'est la yajouz hadha. La yajouz. بعض الناس صحيح, ils ont hadha. Ils pensent que l'ilm il est que vers fulan. Une personne, il a fait des efforts pendant des années. Il a étudié chez l'ulama. C'est devenu lui-même un savant. Il a fait des efforts. Fadlullah, il est wasi'. Tu trouves Adam Nas? Là, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Et on dirait que c'est lui qui donne aux personnes. La yajouz, hada. La yajouz, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Qui donne. Enfin, s'il a donné à une personne, on respecte. Et si cette personne, il s'est trompé, on montre. Là, mais Adam Nas, là, le khayr, il est que vers un foulain. Toi, tu n'as pas le droit, toi. La yajouz, hada. Ça, c'est pas mes tariqat al-salaf, abadan. قال كأن الفهم والإدراك انتهى إليه. صحيح. بعض الناس, on dirait, y'a que lui qui comprend. Y'a que lui qui comprend. Y'a que lui qui sait. Tu le trouves ça. Tu n'accroches des fois à certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec toi dans un sujet, ils ne te laissent même pas parler. C'est lui qui a le haq. On dirait, un tas, tu viens de la lune, tu ne sais pas ce qui se passe. Et y'a chose, hada. Et y'a chose. تكلم et أنا تكلم. Et on revient كتاب والسنة. هذا. Et si tu veux me hajar, tu veux pas kallam al-mubtili, il y en a pas d'un nazi, ils ont ce fikra. Là, là, je parle pas et que j'ai des mobtels. Montre qu'on est des mobtels. Qu'on fasse tawba. Là, bien, là, là, chey, on doit suivre aveuglément. Sallallahu alayhi wa sallam. Al-sabr, al-sabr. وصار حجرا عليه ونسي أن الله تعالى وتقدس يقول في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه عقيدة المؤمن. المؤمن on n'a pas le droit de croire que فلان il s'en sortira jamais. Fulan, on ne prend pas sa parole. Fulan, Allah ne lui a pas donné de ilm. La yajouz hada. S'il a du ilm, et c'est ma'ruf qu'il a du ilm, on profite de son ilm. Et on s'écarte de Ahl al-Shar. Wa qala Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, inna al-ilm wa al-iman makanahuma man ibtagahuma wajadahuma. Sahih. Hada, c'est un kalam muhim l'an. C'est un kalam de sahabi radiyallahu anhu. Anna al-ilm wa al-iman, celui qui veut les trouver, il sait où qu'ils sont. Quran wa sunnah. Et t'atlob l'ilm عند ahle. Tu t'écartes de ahle al-bida. Tu t'écartes des majhoulim, des personnes qui sont inconnues. Tu t'écartes de hadhi al-asnaf. Celui l'an, il veut l'ilm. Il apprend Quran, il apprend sunnah, il fait des efforts. On n'a pas le droit de dire là, là, il comprend rien. Là, il connaît rien. Là, il y a tout ça. Là, il y a tout. Alors, les gens, l'an, ils ont cette approche. Le mouchkila, c'est pas avec des talabat al-ilm, c'est avec ahle al-ilm. Là, Fulan, il a forcément tort. Wallah, ils ont cette approche. Fulan, il a forcément tort. Il ne sait même pas son galam, il ne sait pas ses adillah. Il ne connaît pas ses arguments. Lakin, pour lui, il est qualifié, il a tort. Il a un qal. En bas de la page, on résume, on ne va pas tout lire. Ahyanan, يعني, الكلام il est واضح, on résume. Qala wa min ha'ula. محمد بن عبد الله الملقب بالإمام حيث دعا بصراحة إلى التزام قول من سماهم بالمشائ من سماهم المشائخ أي هذا إشارة إلى هذه الفتنة الواقع الآن صلى الله سبحانه وتعالى يكفينا شرها أن استفدنا معروفة عند الجميع حصل فتنة أن شيخنا يحيى وفقه الله وسدده أنه إلى حزب عبد الرحمن العدل إلا كونسيي كما تعلمون إلا كونسيي إلا بولي أكسبتي ثم إلى منطخ الحق إلى رد عليه إلى آخر الفتنة معروفة وبعض الناس علماء اللون كونتخدي معروف منهم شيخ الإمام. فالآن si on applique قواعد أهل السنة والجماعة الآن يا خلاف en khilaf, Cheikh Yahya il dit une chose et des autres mashaykh ils disent autre. Alors, si on veut régler ce mouchkila, c'est pas en appelant à suivre Fulan ou Fulan. Là, si on veut régler ce mouchkila, et on a détaillé ça dans la kalima qu'on a fait la semaine dernière sur mawqif al-muslim min al-fitan. Le mawqif qu'on doit avoir, c'est on étudie al-mas'ala. Pourquoi Cheikh Yahya il dit que Fulan c'est un hizbi? On étudie ces adilles. Tu te bases sur quoi? Et on étudie. Et on étudie Kadalik. Pourquoi les mashayikh, ils disent que ce n'est pas un hizb? Et on étudie leur kalam. Et on verra que ça apparaîtra clairement des choses. Amma l'an, le mouqif que Cheikh l'imam, wafaqahu Allah, il appelle l'an. Mada yaqoul? Il dit l'an, il faut suivre le mashayikh. Là, l'anna le mashayikh, l'an yakhila. Cheikh Yahya habidah Allah, c'est min al mashayikh. On va lire les paroles de Cheikh l'imam. Cheikh Mokbila rahimahullah, il l'a cité, c'est lui qui le remplace à la hada al-markiz. Cheikh Mokbila ne va pas mettre un ignorant, abadan. Abadan. Avant cette fitna, ils étaient tous d'accord, anna Cheikh Yahya il faisait partie de la mashayikh. Falimad al-an, il y a un khilaf. Pourquoi Cheikh Yahya il a plus de haq? Deux choses. Imma, Cheikh Yahya, c'est plus un alim pour eux. Imma, la majorité. Une de deux. Si tu dis Anna Cheikh Yahya comme ils disent eux, c'est un mshir, c'est un alim comme ils disaient avant. Fal'an, si khalif, c'est qu'il y a le mas'ala l'an, il faut l'étudier. Plus d'explications pour vos éclaircir. Mas'alan, tous les mashayikh, Cheikh Yahya et tous les autres, ils auraient tous dit Fulan, c'est un hizbi, c'est un mubtadi. Il y a ijma. On demande à n'importe quel savant dans les quatre coins de la planète. Il nous dit c'est un hizbi, c'est un mubtadi. Même si la personne ne fait pas l'effort de rechercher, il y a ijma. Amma l'an, là. L'an, là. L'an, là. Il n'y a pas que le Cheikh Yahya. Là. Quand il termine le Mashaïr, ils ont montré que Fulan, c'est un mubtadi. L'an, si on prend la mas'ala avec ilm, l'an, on étudie. On étudie les deux aqwal et on tranche avec le haq. Là, l'imam, il va montrer, on va lire son galam. Il montre, tu suis le mashayikh et tu ne suis pas lui. Là, il joue ça. Là, il joue. Ils l'ont fait à l'époque de Abu al-Hassan. Il y a des choses qu'ils ne savent pas. À l'époque d'Abu al-Hassan, c'était la même chose. Cheikh Yahya Hafidhahullah, après la mort de Cheikh Mouqbil, il voit des choses sur Abu al-Hassan. Il y a takallam. Il parle, il montre. Attention, cette personne, il va faire du mal. Cheikh l'imam lui-même, il n'avait pas accepté. Et il avait dit, Abu al-Hassan, c'est un imam. Abu al-Hassan, c'est un imam. Et il fait dire. Quelques années après, c'est clair, c'est un mot de dire. Enfin, l'imam al-An, on ne fait pas attention. L'imam al-An. Ahadoum, à la fitna de Abu al-Hassan, Cheikh Yahya Hafidhahullah, il yatakallam. Wahad, il a dit. Cheikh Yahya, il n'est pas capable d'enseigner les livres d'Abu al-Hassan. Je vais à la tahqir. Il n'est pas capable d'enseigner les livres d'Abu al-Hassan. Et comment il se permet de critiquer Abu al-Hassan? Il n'est pas capable d'enseigner ses livres. Quelques années après, Abu al-Hassan s'en est garé. On est tous d'accord. On se tait, c'est ce qui s'est passé. On patiente. Al-An, la même chose, là. Là. Alors je vous dis, Adel Kalam Limada, pour montrer, Anna, c'est pas que un shirk il est tout seul et les autres ils sont d'accord, que le shirk est tout seul, il a forcément tort. Abatan, Fifitna Abu al-Hassan, Wallah, ils étaient tous d'accord, Anna, il était à la sunnah au départ. Cheikh Yahya, il a parlé, ils l'ont pas écouté. Mitla l'an, ils ont essayé de faire croire qu'il est à la khair et suivez les mashaykh, Abu al-Hassan, il est à la khair. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a éprouvés avec un imam de la sunnah. الشيخ ربيع وفقه الله الى parler sur Abu al-Hassan du jour au lendemain ah c'est un mubtadi' من اين هذا ça vient d'où هذا est-ce que l'an si on vient analyser l'affaire Abu al-Hassan c'est un être humain il avait des erreurs Cheikh Yahya يتكلم avec des preuves ils ne le suivent pas ça on patiente Cheikh Rabi' Hafidhahullah il vient وفقه الله il montre l'égarement d'Abu al-Hassan avec les mêmes preuves. Lianna Abu al-Hassan, c'est un homme. Et il avait des erreurs. Cheikh Yahya les a vus, Cheikh Rabi' il les a vus. Limada, quand Cheikh Yahya parle, ils n'acceptent pas. Quand Cheikh Rabi' parle, ils acceptent. Aïna al-Haq. Normalement, c'est le Haq, c'est le Haq. Al-An, on revient à notre fitna aujourd'hui. Cheikh Yahya, il parle sur Abdurrahman. Étudiez ce qu'il a dit. On regarde ce qu'il a dit. Ça ne veut pas dire qu'il a forcément raison, là. Laquelle on étudie, on voit que c'est Haq. On l'a vécu, on l'a vu, on entend. Les mashaïkh ils disent là, je suis le mashaïkh. Al-An, ils ont été prouvés les mains d'aller à Cheikh Rabi. Il n'a pas dit Abdurrahman Sahizbillah. Il a dit comme leur qawl. Est-ce que ça change quelque chose? Abadan. Lian al-Haq, il n'est pas forcément avec Cheikh Rabi. Avec tout le respect qu'on a pour lui. Abadan. Ça peut être demain un autre qui va parler. Et nous, yakfina wahed. Cheikh Yahya, il a parlé, yakfina. Vu qu'il a montré le Haq. Celui qui ne veut pas qu'on suive ce kalam, il nous montre. Il nous dit pas là, suivez le mashaïkh min al-Kalam. Là, il nous montre. Il nous dit, Cheikh Yahya, il s'est totalement trompé dans son galam parce que kada kada kada tfaddal on veut le haq naqra al-an ma fi shay min hada parce que la personne ta'ammal ce galam l'an il appelle au taqlid wadih ta'ammal il n'a pas dans son galam qu'on va lire il ne va pas dire ya jama'a suivi le haq la un galam ams falihadana en haqiqa on voulait lire que la risala lakin qaddar Allah wa ma shaa un galam il est sorti ams cheikh l'imam waffaqahu Allah min hada. Ce genre de kalam. Et là, on va le citer l'an, il y a une mounasaba. Qala. On parle de la fitna qui se passe. Comment il conseille? Qala waffaqahullah. Aïe, Cheikh l'imam. Ala tullab al-ilm. Alladina indahum shay min al-shubah. Hawl al-ta'assub hada. Annahum ya'khudun bitawjihat al-ulama. Haoula. Al-an, il explique. Il conseille talabat al-ilm annahu stufitna al-an si la personne ne sait plus comment faire fa il suit il prend les conseils des mashayikh nahnu al-an on lui dit ya cheikh المشايخ الآن ينخلاف ينخلاف الخلاف ça veut pas dire forcément 50-50 أبدا الخلاف même si un يخالف ça devient خلاف. On parle من علماء السنة. قال الشيخ الإمام on continue. قال لأن هؤلاء لا يتفقون على الشيء غلط وخطأ أبدا وهم مرجعية أهل السنة في العالم. هذا الكلام الآن il est pas صواب. لماذا؟ لأن الشيخ الإمام الآن il fait apercevoir la chose comme s'il y avait إجماع. والإجماع c'est حق. لكن il y a pas إجماع. أبدا. Il y aurait إجماع ça serait pas une fitna. أبدا. Ils savent qu'il y a des personnes qui ont écrit, ils ont montré أن فلان ساحزب. فالآن il parle comme s'il y avait إجماع. المسكين الآن qui écoute ce كلام. Parmi un frère de l'Al-Sunnah, il ne connaît pas tout ça. Il lit Hadal Kalam. Il a l'impression qu'il y a unanimité. Enfin, il va suivre. Il ne sait pas que le fitna dure depuis 7 ans. Il ne sait pas que le fitna, il y a des centaines de cassettes qui sont sorties, des centaines de brochures. Il ne sait pas tout ça. Awal, ça lui apparaît ce Kalam. Annahu sahih, je suis. Qala. ولا يمكن أن يكون اتفاقهم ولا يمكن أن يكون اتفاقهم أن يكون اجتماعهم على هذا وسير من يكون خطأ. Il fait apparaître الآن أن tous les mashayikh qui disent que عبد الرحمن c'est pas un حزبي, c'est impossible qu'ils se sont trompés. لأن ils sont rassemblés. أبدا. أبدا. Il en manque un. Ne l'oubliez pas, Cheikh Mokbel رحمه الله. Il l'a mis à sa place, il était vivant. Et Cheikh Yahya Hafidhahullah, il a pris sa place quand il était malade, il faisait les cours. Fakif hada khalas, la poubelle. Abadan. Qala. Al-wahid yakun musiban. Ta'ammal. Al-an. Al-wahid yakun musiban. Hada al-ladhi yassir ala anna al-wahid sayakun huwa al-musib. Wa anna al-jama'a bi hadhi al-katra. Wa anna hum al-marja'iyya wa ila akhira hada. Ma salaka tariq al-insa. Al-an, Cheikh l'imam, il essaye de montrer comment ce tout seul, il va avoir raison. Il vit Cheikh Yahya Hafidhahullah. Et tout cela, ils vont se tromper. Est-ce que c'est impossible, Abadan? Wallahi, celui qui connaît manhaj al-salaf, fadlullah, il est wasi'. Anna, si un est khalif, si un est khalif min ulama al-sunnah, on ne peut pas dire anna, on peut pas dire anna, il a forcément tort. Et les autres, ils ont raison. Mais anna, son kalam, l'an, il l'a appliqué sur quoi? Sur l'ijma'. Mais fil haqiqa, il n'y a pas d'ijma'. Fait ce kalam, aussi ça, ala khata, il est khata. Al-ijma', ma huwa? Al-ijma', comme a dit le Cheikh ibn Uthaymeen, rahimahullah. الإجماع معروف سن حجة كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث صحيح لا تجتمع أمتي على ضلال la communauté du prophète صلى الله عليه وسلم elle peut pas se rassembler sur un égarement. الآن شيخ الإمام il a basé son كلام sur ça. Est-ce que le كلام de شيخ الإمام حفظه الله ووفقه est-ce que c'est un إجماع? Est-ce qu'il a prétendu إجماع? Est-ce que c'est réellement un إجماع? قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. سأسأل الإجماع. الإجماع c'est que tous les savants de la communauté, tous les savants de la communauté, ils ont le même avis sur un sujet. الآن أولا تعلمون أن الإجماع في الأزمنة المتأخرة يصعب. C'est pour ça que l'imam Ahmed قال من ادعى الإجماع كذب. Al-An, on demande à Cheikh l'imam, t'as été voir tous les mashaïkhs de la planète pour voir est-ce qu'ils sont d'accord avec ton qawl. Aoul, c'est 1 ou 2, 3, 4, 5 qui ont pris ton qawl et tu prétends l'ijma'. Al-An, il y a un savant qui vit avec vous au Yémen. Il est pas d'accord avec vous. Cheikh Yahya Hafidhahullah. Tu peux pas fermer les yeux sur hada. Abadan. C'est pas un ijma'. C'est pas un ijma'. Son kalam, il serait haq s'il y aurait ijma'. Mais il n'y a pas ijma'. Abadan. Et wallah, ils le savent qu'il n'y a pas ijma'. Ils le savent qu'il n'y a pas ijma'. Abadan. Lakin, nasallaha al-thabat. Qala, Cheikh ibn Uthaymeen, fakharaja biqawlina ittifaq, wujud khilaf, walaw min wahid. C'est ça le shahid. Cheikh ibn Uthaymeen, il explique l'ijma'. C'est ittifaq mujtahidi hadhihi al-umma. C'est ça l'ijma'. C'est que tous les savants de la communauté, ils sont rassemblés sur un sujet. Al-an, Cheikh ibn Uthaymeen, il dit si un. Il n'est pas d'accord, il n'y a plus ijma. Al-an, on demande, est-ce que un, il n'est pas d'accord? On n'a pas besoin de 2, 3, 10. Un, il n'est pas d'accord. Maintenant, dans cette fitna, Cheikh Yahya, il n'est pas d'accord. هذا أولا. ثانيا قال الشيخ ابن عثيمين مجتهدي وخرج بقولنا مجتهدي العوام المقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. كذلك الإنسان لا يختار بالكثرة. لأن الآن مثلا tu peux avoir une fitna et il y a deux groupes, ils se sont divisés. Tu peux avoir des milliers de personnes. Dans les milliers de personnes, rubama aktaruhum c'est des awam. Enfin, on ne regarde pas nous les awam. Là, l'ijma' c'est par rapport aux ulama. Aux ulama. Amma mathalan al-ulama ijtama'u 'ala shay'in 'ammi bi al khalif. On dit il n'y a pas ijma' abadan. Alors, on revient à notre mas'ala. قد يقول قائل قد يقول قائل الآن إما الإجماع إلى صحيح on fait sortir Cheikh Yahya c'est pas un عالم إما الإجماع إلى pas صحيح لأن Cheikh Yahya il a pas le même قول que eux. قد يقول قائل ben moi je prends la vie de Cheikh l'imam c'est un إجماع et Cheikh Yahya c'est pas un عالم on lui dit هيهات. قال الشيخ مقبل رحمه الله الكلام الآن il est important لأن c'est الشيخ مقبل qui l'a dit c'est un imam de la sunna et كذلك الشيخ الإمام il va l'appuyer et نحن نرد على هذا الكلام. قال الشيخ مقبل وأوصيهم بالشيخ الفاضل يحيى بن علي الحجوري خيرا وأن لا يرضوا بنزوله عن الكرسي فهو ناصح أمين. الآن ce كلام الآن c'est une tazkiya d'un imam de la sunna. الآن ce كلام نحن نكمبخون أن الشيخ يحيى حفظه الله c'est pas un ami أبدا. الشيخ مقبل il va pas mettre un ami qui le succède à la chose qui lui tient le plus à cœur dans cette dunya son markez. فالآن on sait نحن أن الشيخ يحيى حفظه الله eux-mêmes ils le reconnaissent c'est un savant de la sunna. الآن إما il nous démontre أن c'est pas un savant il nous le montre avec un rad ilmi إما ils se contredisent pas. قال الشيخ محمد الإمام وفقه الله الشيخ الإمام à l'époque il a علق sur le كلام de الشيخ مقبل قال وهذه تزكية رفيعة تدل إلى أن قال حتى أو نعم تدل على مدى ما يعرفه شيخنا في أخينا المبارك الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله أخينا المبارك الشيخ. فالآن si tu penses que son قول il ne vaut plus rien et que lui c'est pas un savant, montre-nous un rad ilmi, montre-nous, laisse-nous pas nous égarer avec ce shir, laisse-nous pas nous égarer, on étudie la science vers un ignorant. Hada, là il faut être clair dans ces choses-là. Wallah, ce qui a amplifié cette fitna, c'est le manque de clarté. C'est pas vrai. Un jour Fulan il est gentil, un jour Fulan il est méchant, un jour Fulan il a du ilm, un jour Fulan c'est un jahel, un jour Nas, bah Nas ils comprennent plus. وحتى ولو لم يحصل أن الشيخ رحمه الله أوصى بأن يكون الحجوري هو القائم والمستمر في التدريس والمسؤولية عليه لما اختار علماء أهل السنة غيره. الشيخ الإمام à l'époque il avait dit même si الشيخ مقبل il n'aurait pas dit celui qui prend ma place c'est الشيخ يحيى. الشيخ الإمام il a dit علماء أهل السنة on aurait tous choisi الشيخ يحيى. إجماع كي choisi الشيخ يحيى. الآن إجماع que son كلام il vaut plus rien. الآن il faut un délil. Tu peux pas, nous, on n'est pas des muqallida. On n'est pas des muqallida, on ne peut pas te suivre dans ce cas-là et tu te contredis et on se contredit sans dalil. Là, il faut un dalil, tu nous montres, annahu, c'est pas un savant de la sunna. C'est pas, il ne fait pas partie de la mashaya. Deuxième chose, kalam il est tawil, naktafi bihada. Ce kalam, min shari'at shah wasiyat al-sheikh muqbil. كذلك une autre chose أن الشيخ مقبل رحمه الله avant de mourir il a écrit une وصية son testament كما تعلمون ils l'ont traduit معروف il est en arabe il est traduit en plusieurs langues. الآن الشيخ مقبل رحمه الله il conseille s'il y a un problème on revient à certaines personnes. هكذا il a dit s'il y a un problème dans cette da'wa au Yémen vous revenez à ce genre de personnes et il a cité les machaïrs parmi eux il a cité Cheikh Yahya. Al-An, si Cheikh Yahya tu veux le faire sortir de ce tomassiyya t'es obligé de le faire sortir bidali pas parce qu'il est contre toi ou il t'a contredit ou manadri min al-azbab non t'es obligé de le faire sortir avec dali. On revient Cheikh Mokbel kama ta'alamoun il a cité dans la wasiyya Abu al-Hassan l'égaré. Cheikh Moukbil, il ne savait pas. Il est mort avant que la fitna d'Abul Hassan elle apparaisse. Enfin, Cheikh Moukbil, il a cité Abul Hassan. Al-An, eux, quand il y a une mouchkila, ou nous, ou quiconque, est-ce qu'on revient à Abul Hassan? Là, malgré qu'il a été cité, pourquoi? Les Anna, son égarement, il a été prouvé avec des adil. Al-An, s'ils veulent faire sortir Cheikh Yahya, ils doivent le faire sortir comme Abul Hassan il est sorti. Ou Al-Ajab, ce n'est pas eux qu'on fait sortir Abul Hassan. Abadan. Eux, ils l'ont appuyé pendant des années. Lakin, qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Tout ça, ya jama'a, pour vous montrer anna la taghtar bi hadha al-kalam. Wallah, le kalam, il est kathir. Kalam, il est kathir. Beaucoup de personnes, ils prétendent des choses. Lakin, al-haq, al-haq. Al-haq, al-haq, pendant des années, la da'wa, elle était tayyiba. À l'avance dans un manhaj wadih, il y a des choses qui se passent, là bout que ça tranche bel ilm. Amma mujarrad, on est beaucoup, vous revenez à notre kalam, c'est impossible qu'on se trompe. Abadan, abadan. Wahid, on a dit yakfi. Qala ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, al-jama'a, ma wafaq al-haq, walau kunta wahdak. C'est une jama'a al-an, que le Cheikh l'imam il appelle. C'est pas mujarrad, on ne doit pas comprendre, nous c'est une jama'a, on est beaucoup, là. Al-jama'a, c'est l'haq. Fa-matalan, il y a une fitna. Il y a un cheikh, il s'est trompé. Ou un cheikh, il a montré l'égarement d'une personne. Et il a haq, il a des adillah. Et 50 mashayikhs, ils se sont trompés. Ils ont des excuses. Rubama, ils n'ont pas eu le temps d'étudier l'affaire. Rubama, ils ont des gens, ils leur ont menti. Muhim. Al-Jama'a, dans ce cas-là, c'est celui qui a le haq. C'est pas les 50, Abadan. Ah, ma chère, l'imam al-An, il essaie de montrer le Jama'a, c'est la majorité. Et nous, on a vu que c'est pas un Ijma'a, Abadan. S'il l'aurait appelé majorité, tayyib. Al-Jumhur, ou l'Akthar, l'âme, c'est haq. Amma l'appeler Ijma'a, là, c'est khata. Al-Jama'a, c'est le haq. Comme il a dit Ibn Mas'ud. Matalan, anta, t'es dans ton quartier, dans ta ville, tu connais Foulan, c'est un moubtadi'a, tu le sais, tu l'as conseillé. T'as entendu des paroles graves. Tu l'as vu marcher avec des gens, des innovateurs. Tu sais que c'est un égaré, tu l'as conseillé, il ne veut pas accepter. Maintenant, dans ta mosquée, tous les frères, ils te disent, là, il est bien, et tout, on n'a vu que du bien. Mais à ce tu n'accepterais pas qu'on délaisse ton qawm. Il y en a, tu es à la haq. On veut délaisser le haq aussi facilement que ça. Qala al-imam al-albani, pour clôturer cette mas'ala, qala wa laysa min ash-shudud fi shay an yakhtar al-muslim qawlan min aqwal al-khilaf. من أقوال الخلاف لدليل بدا له ولو كان الجمهور على خلافه هذا كلام الإمام الألباني رحمه الله أنه سبا قول شاد الشذوذ سيكوا سيكوا تشاين ماجوريتي كومبري ان قول اي اون اكسبسيون سي سا الشاد بعض الناس يكروف كو لو شاد الى فورسيمون طور ابدا سي ميم با من الشذوذ هذا قال الشيخ الالباني قال وليس من الشذوذ في شيء ان يختار المسلم قولا من اقوال الخلاف لدليل بدا له اون ا دروا اون ا دروا مسلم جو برون قول دان سافون لان الله ما مونتري لي بروف ولا مش خالف دي زوت قال فإنه ليس في الكتاب ولا في السنة الدليل على أن كل ما عليه الجمهور أصح مما عليه مخالفوهم. الشيخ الألباني يتمنى أن يكون هناك دليل في الكتاب والسنة كي مونتر كو لا ماجوريتي على فورسيمون ريزون بور رابور أن أو دو أو تخوا. أبدا. لا با دليل في هذا. لا با دليل. أبو بكر رضي الله عنه أبخي لا مور دو بروفيت صلى الله عليه وسلم تعلمون أن أصحاب الردة ils ont voulu se retourner contre Abu Bakr. Abu Bakr radiallahu anhu, il a décidé de les combattre. Au début, il était seul. La majorité de sahaba, ils n'ont pas compris. Hatta Omar qala radiallahu anhu, ya Abu Bakr, kif tu qatil man qala iman yashhad an la ilaha illallah. Comment tu vas combattre ceux qui témoignent bi an la ilaha illallah? Abu Bakr, il a juré, il lui a dit, wallah, je vais les combattre s'ils ne donnent pas zakat. Léana, il ne voulait plus donner de zakat. Tous les sahaba radiallahu anhu, ils sont tous revenus à qawl Abu Bakr. Léana, ils ont su que c'était le haq. Al-an, on aurait employé ce mizan. Comment on aurait fait? Abadan, le mizan, c'est le haq. Et Allah, il peut éprouver un al-haq, il fait wahed, voir est-ce que tu vas suivre le haq, akhil karim, même là. Amma, tu suis la majorité, hakada, c'est pas min mabda, manhaj al-salaf, abadan. Abadan, il nous cite un kalam, min al-salaf, il nous montre qu'il faut suivre la majorité. Abadan. Cheikh l'Albani, l'an, il montre un as-kalam, il est batil. Qala fa innahu laysa fil kitab, wala fil sunna dalil, ala anna kulli ma alayhi al-jumhur, asah mima alayhi mukhalifuhum, inda fuqdan al-dalil. Nous, on parle quand il n'y a pas de délit. Mais là, chaque s'il y a 20 mashaïkh, ils ont des adillah. Et un, il n'a pas de délit. Là, chaque, on va revenir aux 20. Pas parce qu'ils sont beaucoup, parce qu'ils ont la preuve. Amma, si la preuve elle est vers ce shirk qu'il se... Enfin, on revient vers ce shirk. Les anna, nous, on est ordonné de suivre Dalil. On n'est pas ordonné de suivre Voulan. Qala Azza wa Jal, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qala Cheikh Al-Albani. Qala na'am. Ida attafaqa al-muslimun ala shay dun khilaf. Yu'araf baynahum. Fa min al-wajib ittiba'. Ittiba'u. Na'am. Ce qu'on a dit. S'il y a vraiment ijma'. On n'a pas le droit de contredire. Et il a cité le verset: وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Celui qui contredit سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ أَيْ الْإِجْمَاعَ. Amma, dans ce cas-là, il n'y a pas d'ijma' abadan. فَتَأَمَّلْ أَخِي. تَأَمَّلْ أَنَّ ce genre de masail se fitan, tu dois les étudier بِعِلْم. Là, tu penses que c'est le haq, celui que tu contredis, c'est un égaré. Abadan. Tu étudies, si tu ne sais pas, tu demandes. Tu ne sais pas, tu demandes. Et celui qui sait le haq, fayajib alayhi ittiba'u. Léana, tu es un être humain, tu es un makhlouk. Allah t'a créé pour suivre le haq. Tu ne fais pas ce que tu veux. Abadan. Fahada. Wal waqt dhahab. Et on continuera demain. Bi'idnillahi azza wa jalla. Subhanak lahum hamdik. Shahadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.